force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu dois t'accepter comme une créature merveilleuse, même s'il y a des gens qui te critiquent. Mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Oui, ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est vrai. Ce que les gens disent de toi peut ou ne pas être vrai. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. 1 Corinthiens chapitre 12, 12 à 31. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, 12 à 31. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler des diverses langues. Tous sont Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Je voudrais partager avec vous cette vérité tirée de ces passages merveilleux. Première vérité, il y a unité malgré la pluralité des membres au sein du corps du Christ. Oui, l'apôtre Paul dit au verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous voyez, dans le corps humain, on a plusieurs membres. Vous avez plusieurs membres. Il y a la tête, il y a la main, il y a les pieds, il y a le nez, il y a les oreilles. Il y a plusieurs membres, mais tous les membres ne forment qu'un seul corps. C'est la même chose au sein de l'Église. Nous pouvons être plusieurs. Il y a plusieurs dons, mais nous devons être unis. Parce que l'unité est là et nous devons travailler pour conserver cette unité. Deuxième vérité. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, quelles que soient nos origines et notre classe sociale. Vous voyez, quand on parle de baptême spirituel, en principe, ce baptême, selon ce passage, a lieu lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur est déjà baptisée de l'Esprit. Vous voyez, c'est ce que Paul dit ici. Il dit au verset 13, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, de ce point de vue, quelqu'un ne peut pas être membre du corps de Christ s'il n'est pas passé par le baptême de l'esprit. Vous voyez? Donc, c'est ce que Paul enseigne ici. Troisième vérité. Chaque membre est important au sein du corps du Christ. Si chacun de nous comprenait son importance, il y aurait moins de divisions. Il n'y aurait même pas de divisions et de rivalités. Si aujourd'hui il y a des divisions, des rivalités, parce que certains ne se considèrent pas comme étant importants. Par exemple, une femme ou bien un jeune qui a le rôle de balayer l'église. Peut-être que son ministère n'est pas trop en vue. Tout le monde veut être prédicateur, tout le monde veut diriger le culte. Non, mais chaque membre est important. Même les gardiens là qui s'occupent de garder l'église, il est important. C'est ce que Paul veut dire ici. Il dit au verset 15, « Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? » Il y a des gens qui disent, « Non, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas diacre, moi je ne connais rien. » Non, tu es important, tu as de la place au sein de l'église. Quatrième vérité, il y a interdépendance et complémentarité parmi les membres du corps du Christ. Interdépendance. C'est-à-dire, un membre ne peut pas dire, moi, je suis plus important qu'un autre. Vous voyez, il y a parfois des gens qui disent, par exemple, moi, je suis chantre. C'est moi qui suis le plus important. Les autres ne connaissent rien. Ou quelqu'un peut dire, moi, c'est à cause de mes prédications. Oui, que l'église est là. Si je ne prêche pas, l'église ne peut pas marcher. Ou bien quelqu'un dit, c'est moi qui dirige. C'est à cause de ma présence. Moi, j'ai l'onction. Les autres n'ont pas l'onction. Mon ami, tu te trompes. Il y a interdépendance. C'est-à-dire, ce que l'un fait complète ce que l'autre fait. Nous dépendons les uns des autres. Il y a complémentarité. C'est-à-dire, nos ministères se complètent. Vous voyez? Même si toi, tu ne chantes pas. Mais par exemple, tu es dans l'intercession. Tu es dans l'évangélisation. Ton ministère complète ce que les autres font. Les intercesseurs sont là pour prier, pour que le Seigneur agisse. Pour que, par exemple, une prédication soit efficace. Oui, c'est vrai, les pasteurs prêchent. Mais ce que les intercesseurs font, ils intercèdent pour que l'esprit, l'atmosphère soit dégagée. Vous voyez, c'est important. S'il n'y a pas d'intercession, même le ministère des plus grands prédicateurs n'aura pas d'impact. Vous voyez, s'il n'y a pas de gens qui s'engagent dans l'évangélisation, l'église ne peut pas grandir. Vous voyez, même ceux qui travaillent à l'école des dimanches, parfois nous négligeons les petits enfants. Les ministères des femmes ou des hommes, ceux qui travaillent, les moniteurs, monitrices de l'école des dimanches, est important. Parce qu'ils sont en train d'instruire nos enfants dans la voie du Seigneur. Donc, il y a complémentarité. Nous nous complétons. Il ne faut pas dire que c'est tel ministère qui est le plus important, l'autre n'est pas important. Voyez? C'est pourquoi il dit ici, au verset 21, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. » Verset 25, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. » Nous devons éviter la division dans le corps. Il faut que nous puissions valoriser nos dons, nos ministères. Chaque membre dans l'église est important. Cinquième vérité, il y a solidarité au sein du corps de Christ. C'est-à-dire quoi? Lorsque, par exemple, un membre souffre, par exemple, il y a un frère qui est hospitalisé, il faut que toute l'église se sente concernée pour le visiter, prier pour lui. Lorsque, par exemple, un frère a connu un problème dans son travail, un frère est éprouvé, une sœur est éprouvée, il faut qu'on sente la solidarité, vous voyez. Mais aussi, lorsqu'un frère est béni, une sœur est bénie, il y a quelqu'un, par exemple, qui vient d'être nommé à un poste élevé. Il ne faut pas qu'il y ait des membres qui disent « Pourquoi c'est lui ?» Tous les membres doivent se réjouir. Vous voyez, quand on parle de sorcellerie, la sorcellerie commence par la jalousie. Tu as entendu que Dieu a béni un frère. Tu as entendu que tel frère s'est marié, telle sœur s'est mariée. Au lieu de te réjouir, toi, tu commences à murmurer. Pourquoi ce frère, il a épousé cette sœur-là? Alors que la sœur-là, il n'y a pas 2 ans qu'elle est venue dans l'église. Mon ami, tu dois te réjouir. Vous voyez? Au verset 28, il est dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Prenons un exemple. Il y a des gens qui souffrent d'une maladie qu'on appelle panarie. Parfois, c'est au niveau du doigt. un petit doigt qui a le panari, vous allez voir, c'est tout le corps qui va éprouver la douleur. Donc, les pieds ne peuvent pas dire, bon, comme c'est le doigt, moi, je ne suis pas concerné. Vous allez voir, tout le corps est immobilisé. C'est ça l'illustration, pour montrer ce que devrait être l'Église, le corps du Christ. Quand un membre souffre, c'est tous les membres qui sont solidaires, souffrent avec lui. Sixième vérité, il y a diversité de ministères et de dons au sein du corps du Christ. On ne peut pas assumer le même rôle. Tout le monde ne peut pas être apôtre. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être prophète. Tout le monde ne peut pas diriger le culte. Vous voyez? C'est pourquoi Paul dit ici, au verset 28, et Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29, il pose la question, tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous sont-ils docteurs? La réponse est non. Et on peut continuer encore. Tous sont-ils évangélistes? Non. Tous peuvent-ils chanter dans le groupe musical? Non. Voyez. Ça dit que nous devons reconnaître qu'il y a diversité de ministères et de dons. Et chacun doit accepter sa place dans le corps du Christ. Lorsqu'on te donne une responsabilité, si elle ne correspond pas à tes dons, tu peux dire au pasteur, ah, en tout cas, moi, ce n'est pas mon don. On voit par exemple, il y a des gens qui aiment chanter. Tu connais que, en tout cas, quand tu chantes, toi, tu es en train de dégamer. Et tu veux chanter dans le groupe musical. Ou bien tu veux forcer qu'on te laisse, toi, diriger, que tu sois lead vocal. Tu peux dire non. Moi, lead vocal, là, moi, je ne sens pas ça. C'est quelqu'un d'autre. Il faut laisser tel chant à telle sœur ou bien à tel frère. Septième vérité, nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Vous voyez, il faut aspirer aux dons. Lorsque, par exemple, tu sens qu'il n'y a pas un don en toi, il faut aspirer aux dons les meilleurs. Et nous allons voir, le chapitre qui vient va montrer la voie par excellence par laquelle nous devons aspirer aux dons spirituels. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Viens consolateur. Nous avons besoin de toi. Gloire à Dieu, bénis l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix là où tu es. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sous la brèche. C'est une émission de prière qui est produite à partir d'Abidjan sur la Nationale des Églises Protestantes Évangéliques de Côte d'Ivoire, la radio Fréquence Vie. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens 12, 12 à 31. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que chacun de nous accepte la pluralité, la diversité des dons, mais que tous ces dons fonctionnent dans l'unité au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur et bannissons l'esprit des divisions. Tendre Père, le psalmiste déclare dans la 42e division des psaumes, « Comme une biche des îlots du ruisseau, ainsi je te désire, toi mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce matin, ô Père éternel, nous soupirons après toi pour tes bienfaits. Nous soupirons après toi parce que ton amour pour nous est incomparable. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Nous prions ce matin, ô Père éternel, pour la diversité et la complémentarité des dons spirituels au sein de nos différentes communautés. Nous prions, ô Père éternel, que chacun de nous, en fonction des dons qu'il a reçus de toi, puisse accepter celui de l'autre et travailler en complémentarité. Nous prions, ô Père éternel, pour l'esprit d'amour, pour l'esprit d'unité, et nous déclarons que toute forme de rivalité est ôtée au nom de Jésus. Nous prions pour l'harmonie et la complémentarité, afin que nous puissions contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous disons merci et nous nous élevons comme un seul homme contre toute forme de division, contre toute forme d'orgueil, contre toute forme de confusion. Merci Père éternel pour les dons spirituels que tu as mis à nos dispositions et nous nous engageons à travailler en collaboration, en symbiose, en complémentarité, en interdépendance afin de contribuer efficacement à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons vu que chaque membre du corps du Christ est important. Il ne faut pas qu'il y ait des membres qui s'enorgueillissent ou bien des membres qui disent « moi je ne suis pas important parce que je ne fais pas ceci ». Prions pour que nous puissions bannir l'esprit des complexes d'infériorité et l'esprit d'orgueil. Que nous puissions accepter de travailler dans la complémentarité et dans l'interdépendance de dons et de ministères. Prions le Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Parce que Seigneur, quand tu nous as sauvés, tu nous as mis au large, tu as fait de nous tes enfants, membres du royaume des cieux, membres de l'Église. Tu nous as dotés chacun, un ou plusieurs dons. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont un problème de complexe d'infériorité. Et ils ont peur de certaines choses. Ils ne veulent pas exprimer, mettre en valeur le don qui est en eux. Nous voulons prier ce matin. Et il y a d'autres qui en profitent pour les écraser, pour les brimer, pour prouver qu'ils sont les meilleurs. Ils sont au-dessus d'eux. Nous voulons te supplier ce matin. Nous sommes égaux et tu nous as dotés des mêmes dons. Nous t'en supplions que ces frères qui ont ce problème de complexe d'infériorité, que ce complexe soit brisé dans leur vie, que ce complexe soit chassé dans leur vie. S'ils ont reçu le don, même si tu es combattu, si les gens te résistent, que le Seigneur permette que ce don soit mis en valeur. Parce qu'on a ce don-là pour instruire, pour aider l'Église à croître. Nous t'en supplions ce matin. Viens nous aider à faire valoir ces dons-là, à mettre en pratique ces dons-là, là où tu nous as établis. Que ce soit au niveau des enfants, des femmes, de l'Église, de la mission, nous devons agir sans peur, sans crainte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons aspirer aux dons spirituels, les meilleurs. Chacun de vous va prier pour dire, Seigneur, moi je vais aspirer aux dons. Je veux que tu me transmettes, que tu me communiques les dons, parce que je veux te servir au sein du corps de Christ. Je veux jouer mon rôle au sein du corps de Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce matin encore, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu en nous et tu vis en nous et tu nous as accordé tes dons et c'est par ces dons que nous pouvons nous manifester pour que ton Église avance, pour qu'il y ait unité dans l'Église, pour qu'il y ait la paix, la joie, pour que le corps de Christ soit révélé dans ce monde. Merci pour toutes ces grâces, ces bénédictions de tout genre que tu as libérées dans notre vie. Merci pour cette faveur qui est renouvelée, requinquée, restaurée dans notre vie. Nous prions que chacun de nous reçoive le feu de l'Esprit pour que toute grâce excellente et tout don qui vient de la part de notre Dieu soit requinqué, soit renouvelé. Au nom de Jésus-Christ, Cher Saint-Esprit, nous voulons les dons les meilleurs. Alors Saint-Esprit, nous te prions de nous les communiquer. Communique ces dons à nous pour que l'Église en profite, pour que tous ceux qui nous entourent profitent de ces dons les meilleurs. Merci Papa pour cette grâce que tu nous fais. Merci parce que quelqu'un reçoit le baptême du don qu'il espère. Merci parce que quelqu'un reçoit le baptême du parler en langue. Merci pour les prophéties. Merci pour toutes les grâces qui descendent selon l'espérance de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur notre Dieu pour cette grâce. Merci pour ce don. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Merci parce que par ces dons restaurés, chacun de nous joue son rôle pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de l'Église ici-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Levez vos mains et recevez la bénédiction du jour. Dans le nom de Jésus, je prie pour que l'Esprit de Dieu soit répandu sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que quelqu'un qui est malade reçoive la guérison au nom de Jésus. Tu as un rendez-vous avec ton médecin. Que l'Esprit de Dieu lui-même puisse te conduire dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a un diagnostic qui vient de Satan, lorsque tu arriveras, lorsque tu verras le médecin, que le Seigneur lui-même puisse changer le diagnostic. Que tout ce qui était monté dans le monde des ténèbres sur ta vie, contre ta vie, soit révoqué, soit annulé au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée de faveur, une journée de victoire sur tes ennemis, une journée de grâce. Que le bonheur, la grâce divine t'accompagne tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.